novella was a check my Sunday, yeah. T'es qu'est-ce qui m'est parti et bien qui dans les tours. Pour moi, j'ai joué des notes en bas, en pied, mon goût. Hey, si vous parlez souffert, faut qu'on comprenne une nuit de l'air. Pour rêver d'un monde sans travail et sans l'en misère. Imaginez-moi la douceur, moi la cise, mais moi en ciel. Si on te bétonne, comme un caton, en tu musique, on fout chez moi. Soulage moi, en que point guitare moi, en bas, en bas, en bas.